Chapitre 7. Comment Gunther conquit Brunhild. Pendant ce temps, la barque s'était approchée si près du bourg que le roi put voir en haut, aux fenêtres, de belles vierges. Il regrettait vivement de ne point les connaître. Il demanda à Siegfried, son compagnon, « Sais-tu quelque chose touchant ces jeunes filles qui, de là-haut, nous regardent sur les flots ? Quel que soit le nom de leur seigneur, elles ont certes le cœur haut placé. » Le seigneur Siegfried parla. « Il faut regarder à la dérobée toutes ces jeunes filles, puis me dire celles que tu choisirais si tu en avais la faculté. Je le ferai, » dit Gunther, ce chevalier hardi et prompt. « J'envoie une à cette fenêtre, en vêtements blancs comme neige. Oh, qu'elle est bien faite! Mes yeux la choisissent pour la beauté de son corps. Si j'en avais le pouvoir, il faudrait qu'elle devînt ma femme. Le regard de tes yeux a très bien choisi. C'est la noble Brunhild, la belle vierge vers laquelle aspirent ton cœur et ton esprit et ton âme. » Tous ces mouvements plaisaient à Gunther. La reine ordonna à ses belles suivantes de se retirer des fenêtres. Elles ne devaient point rester là à contempler les étrangers. Elles étaient prêtes à obéir. Ce que les femmes firent là nous fut compté depuis. À l'approche des inconnus, elles se parèrent, suivant la coutume des jolies femmes. Puis elles vinrent aux lucarnes étroites, d'où elles voyaient les héros. Elles le faisaient par curiosité. Il n'était que 4 débarquants dans ce pays. Siegfried le Fort menait un cheval par la bride. Les vierges dignes d'amour voyaient cela par la fenêtre. Le roi Gunther en fut depuis hautement honoré. Siegfried tint par la bride le cheval carapaçonné, bon et beau, grand et fort, jusqu'à ce que le roi Gunther fût assis en selle. Ainsi le servit Siegfried. Le roi l'oublia bien depuis. Puis il conduisit aussi son cheval hors de la barque. Jamais il n'avait rendu ce service de tenir l'étrier à quelque autre guerrier. Les femmes fières et belles regardaient par les fenêtres. Les héros très hardis avaient même apparence. Ils avaient tous deux cheval et vêtements blancs comme neige. Leurs boucliers étaient bien faits. Ils brillaient aux mains de ces vaillants hommes. Leurs selles étaient ornées de pierreries. Les harnais du poitrail étaient étroits. Il y pendait des sonnettes d'un or rouge et éclatant. Arrivés en ce pays sous l'inspiration de leur courage, ils chevauchaient ainsi magnifiquement vers la salle de Brunhild. Ils s'avançaient avec leurs lances bien aiguisées et avec leurs bonnes épées qui pendaient jusqu'aux éperons. Ils les portaient pointues et très larges, ces hommes braves. Brunhild voyait tout cela, la vierge digne d'amour. Avec eux venaient Dankwart et Hagen. Nous avons entendu conter que ces guerriers portaient de riches vêtements, noirs comme l'aile du corbeau. Leurs boucliers étaient neufs et forts, bons et larges. On les voyait porter des pierreries de l'Inde qui scintillaient splendidement sur leurs habits. Ils laissèrent leurs barques sans garde sur les flots. Ils chevauchaient vers le bourg, les héros hardis et bons. Ils y voyaient s'élever 86 tours, 3 vastes palais et une salle bien construite en marbre magnifique, vert comme l'herbe des prés. Là siégeaient Brunhild et sa cour. Les portes du bourg s'ouvrirent toutes larges. Les hommes de Brunhild se précipitèrent à leur rencontre et les reçurent comme des hôtes dans le pays de leur souveraine. On prit soin de leurs chevaux et de leurs boucliers. Un camérier parla. « Donnez-nous vos épées et vos brillantes cuirasses. »« Cela ne vous sera pas accordé, » dit Hagen de Troneil. « Nous voulons les porter nous-mêmes. » Alors Siegfried commença à lui expliquer les us de cette cour. « Il est d'usage en ce bourg, je dois vous en prévenir, qu'aucun hôte ne porte des armes. Laissez emporter les vôtres. » Ce sera bien ainsi. Hagen, l'homme lige de Gunther, ne suivit pas volontiers ce conseil. On fit servir du vin aux héros et on leur offrit toutes les choses convenables. On voyait partout des guerriers rapides, en habillement de princes, se diriger vers la cour. On regardait beaucoup les héros intrépides. On apprit à Brunhild que des guerriers étrangers étaient arrivés en riches costumes et naviguant sur la mer. La Vierge belle et bonne commença de s'informer. « Dites-moi, dit la reine, quels peuvent être ces guerriers inconnus de si fière contenance que je vois là, et pour quel motif ces héros ont-ils navigué jusqu'ici ? » Quelqu'un de sa suite parla. « Oh, dame, je puis affirmer que jamais je n'ai vu aucun d'eux. Un seul me paraît ressembler à Siegfried. Il convient de les bien recevoir. Tel est mon avis, haute dame. » Le second de ses compagnons a une noble apparence. S'il en avait le pouvoir, et s'il pouvait les conquérir, il serait digne d'être roi de vastes terres. Il a, parmi les autres, l'air d'un chef. Le troisième de ses compagnons paraît être très farouche, et pourtant son corps est beau, ô reine puissante. Ses regards sont rapides, il les jette sans cesse autour de lui. Son caractère est, je crois, plein de violence. Le plus jeune d'entre eux me paraît très beau. Je vois ce riche guerrier, modeste comme une jeune fille, marcher avec bonne apparence et avec une grâce charmante. Nous aurions tout à craindre s'il lui arrivait quelque mal. Mais, quelque douce que soit sa manière d'être, et quelque beau que soit son corps, il ferait pleurer maintes jolies femmes s'il entrait en fureur. Son corps est si bien formé qu'on voit qu'il est par toutes ses qualités un guerrier brave et rapide. La reine parla. « Qu'on m'apporte mon armure. Si le fort Siegfried est venu en mon pays pour obtenir mon amour, il y va de sa vie. Je ne le crains pas au point de devenir sa femme. » Brunhild la belle fut bientôt revêtue de son costume. Maintes belles suivantes l'accompagnaient, au nombre de 100 ou plus. Leur costume était magnifique. Les hôtes désiraient voir la vaillante femme. Avec elle marchaient les héros de l'Islande, les guerriers de Brunhild, portant l'épée au poing, 500 ou même davantage. Cela inquiétait les hôtes. Ils se levèrent de leur siège, les héros hardis et fiers. Quand la reine vit Siegfried, elle parla aux étrangers d'une façon courtoise. « Soyez le bienvenu en ce pays, seigneur Siegfried. Quel est le but de votre voyage? Je désirerais le connaître. » « Bien des grâces, dame Brunhild, de ce que vous daignez me saluer, douce fille de prince, avant ce noble chef qui se trouve devant moi. Lui est mon seigneur. Je renonce à l'honneur que vous me faites. Il est roi sur le Rhin. Que dirais-je de plus? Nous avons navigué jusqu'ici pour l'amour de vous. Il veut vous aimer, n'importe ce qui en arrive. Réfléchissez bien, il n'abandonnera pas son dessein. Il s'appelle Gunther, c'est un roi puissant et fier. S'il obtient votre amour, il ne désirera rien de plus. À cause de vous, je l'ai accompagné jusqu'ici. S'il n'avait pas été mon seigneur, je ne fusse jamais venu. » Elle dit. « Est-il vraiment ton seigneur et toi son homme liege? Veut-il tenter les jeux que je propose? S'il est vainqueur, je serai sa femme. Mais si je triomphe une seule fois, il y va de la vie pour vous tous. » Hagen de Troneil parla. « Ô dame, laissez-nous voir ces jeux. Il faut qu'ils soient bien rudes pour que mon seigneur Gunther soit vaincu par vous. Il espère bien obtenir une si belle reine. » Il doit lancer la pierre, bondir après et jouter de la lance avec moi. Que votre esprit ne soit pas trop prompt, vous pourriez bien perdre ici l'honneur et la vie. Songez-y. Ainsi répondit la Vierge digne d'amour. Siegfried le rapide s'avança vers le roi et le pria de dire à la reine toute sa volonté. Soyez sans crainte, je saurai vous préserver par mes artifices. Le roi Gunther parla. Reine superbe, déterminez ce que vous exigez. J'accomplirai tout cela et même plus pour votre beau corps. J'y laisserai ma vie ou vous serez ma femme. » Quand la reine entendit ces paroles, elle ordonna de préparer les jeux suivant la coutume. Elle fit apporter son armure de combat, une cuirasse d'or et un bon bouclier. La Vierge se revêtit d'une cotte d'armes de soie que jamais dans le combat nulle épée n'avait entamée. Elle était d'étoffe de Libye très bien faite et toute brillante de passementerie bien ouvrée. Cependant, on montrait beaucoup d'orgueil vis-à-vis des guerriers. Dankwart et Hagen en étaient peu satisfaits. Ils s'inquiétaient en leur cœur du sort de Gunther. Ils pensaient « Ce voyage tournera mal pour nous ». Pendant ce temps, Siegfried, la puissante épée, était retourné au vaisseau sans que nul s'en aperçût pour chercher la Tarnkappe qu'il y avait cachée. Il se glissa rapidement dans la barque. Ainsi, personne ne le vit. Il se hâta de revenir. Il vit un grand nombre de guerriers là où la reine préparait les jeux. Il s'avança invisible. Nul ne le vit de tous ceux qui étaient présents grâce à ses artifices. On traça le cercle où la joute devait avoir lieu en présence d'un grand nombre de vaillants héros. Ils étaient plus de 700 bien armés, et c'était eux qui devaient décider en toute vérité à qui appartiendrait la victoire. Voici venir Brunhild. Elle est armée comme si elle voulait combattre pour la terre d'un roi. Elle porte sur son vêtement de soie de nombreuses lames d'or. Sa brillante fraîcheur éclate à ravir sous cet appareil. Viennent ensuite les serviteurs. Ils lui apportent un bouclier d'or rouge, revêtu de plaques d'acier trempé, grand et large. C'est avec ce bouclier que la Vierge Charmante voulait combattre. Les attaches de ce bouclier étaient d'une riche étoffe sur laquelle brillaient des pierreries vertes comme l'herbe. Elles étincelaient avec un grand éclat dans l'or qui les enchâssait. Il devait être brave, celui qui saurait plaire à cette femme. Le bouclier d'acier et d'or que la Vierge allait porter était épais, cela nous a été compté ainsi, de 3 empans à l'endroit des boucles. C'est à peine si 4 de ses camériers le pouvaient porter. Lorsque Hagen vit apporter ce bouclier, il s'écria avec colère le héros de Trondheim. « Eh bien, roi Gunther, nous laisserons ici notre corps. » Celle à laquelle votre amour ose prétendre, c'est la femme du diable. Apprenez-en plus encore sur ses vêtements. Elle en avait de si magnifiques. Elle portait une cotte d'armes de soie d'Agazouk, très noble et très riche. Maintes pierres étincelantes jetaient sur la reine l'éclat de leur feu. Voilà qu'on apporte à la Vierge une pique lourde et grande, large, énorme, forte, invincible, et dont le tranchant coupait terriblement. C'était celle dont elle se servait toujours. Écoutez les merveilles qu'on raconte du poids de cette pique. Elle était forgée de 4 énormes masses de fer. 3 hommes de Brunhild avaient peine à la porter. Le noble Gunther commença d'en prendre de l'inquiétude. Il pensa en lui-même. Que va devenir ceci? Par le diable de l'enfer, qui pourrait soutenir cette lutte? Que ne puis-je retourner en vie vers le Rhin, elle serait pour longtemps délivrée de mon amour. Sachez-le bien, il était plein de soucis. On lui apporta toutes ses armes. Le roi puissant était bien armé. D'inquiétude, Hagen avait presque perdu la raison. Le frère de Hagen, le brave Dankwart, parla. Je me repens intérieurement de ce voyage. On nous appelait des héros, et nous devrions perdre la vie, et des femmes dans ce pays nous feraient périr. Cela me peine durement que je sois venu dans cette contrée. Si mon frère Hagen avait ses armes et moi les miennes, tous ces hommes de Brunhild rabattraient un peu de leur fierté. Je vous le dis par ma foi, ils se garderaient de trop d'arrogance. Et quand j'aurais juré 1000 fois la paix, avant que de voir périr mon chef que j'aime, oui, cette belle vierge perdrait la vie. Certes, nous quitterions librement ce pays, dit son frère Hagen, si nous avions nos armures qui nous sont si nécessaires, et aussi nos bonnes épées, nous saurions bien adoucir l'arrogance de cette belle femme. La noble vierge comprit très bien ce que dit le guerrier. La bouche souriante, elle les regarda par-dessus l'épaule. Puisqu'ils se croient si braves, qu'on leur apporte leurs armures. Remettez aux mains de ces héros leurs armes aiguisées. Qu'ils soient armés, cela m'est aussi égal que s'ils étaient là tout nus. Ainsi parla la reine. Je ne crains la force d'aucun homme que je connaisse. Je compte bien lutter dans le combat contre le bras de qui que ce soit. Quand ils reçurent leurs épées, suivant l'ordre de la Vierge, le brave Dankwart devint rouge de joie. Maintenant, joutez comme vous voudrez, dit l'homme intrépide. Gunther est invincible depuis que nous avons nos épées. La force de Brunhild se montra d'une façon effroyable. on lui apporta dans le cercle une lourde pierre, grande et monstrueuse, ronde et énorme. 12 guerriers braves et rapides la portaient avec effort. Elle avait coutume de la jeter quand elle avait lancé la pique. L'inquiétude des Burgondes devint grande. « Par mes armes !» s'écria Hagen. « Quelle amante a choisi le roi ! Qu'elle soit en enfer, la fiancée du diable maudit !» Elle entoura de brassards ses bras blancs, saisit le bouclier d'une main et leva le javelot. La lutte commençait. Les malheureux étrangers craignaient la fureur de Brunhilde, et si Siegfried n'était pas venu au secours de Gunther, elle lui eût arraché la vie. Siegfried s'approcha de lui sans être vu et lui toucha la main. Gunther s'aperçut avec inquiétude de son artifice. « Qui m'a touché ?» pensa l'homme hardi. Il regarda partout et ne vit personne. L'autre parla. « C'est moi, Siegfried, ton ami dévoué. Ne crains rien de la reine. » Il ajouta. « Que tes mains abandonnent ton bouclier. Laisse-le-moi porter et prête attention à tout ce que tu m'entendras dire. Fais les gestes, je ferai l'œuvre. » Quand le roi le reconnut, cela lui fit plaisir. « Dissimule ma ruse, cela vaut mieux pour nous deux. De cette façon, la reine n'exercera point sur toi sa superbe arrogance, ainsi qu'elle en a l'intention. Et maintenant, regarde comme elle se tient toute prête devant toi au bord du cercle. » Elle lança la pique avec grande force, la Vierge superbe, sur le grand bouclier neuf et large que le fils de Sieglinde portait à son bras. Le feu jaillit de l'acier comme si l'ouragan eût soufflé. Le tranchant du fort javelot traversa le bouclier, et l'on vit sortir le feu des anneaux de la cotte de maille. Du coup, ces deux hommes si forts tombèrent. Sans la Tarnkappe, tous deux étaient morts. Le sang coula de la bouche de l'intrépide Siegfried, mais il se leva vivement, et le guerrier hardi saisit le javelot qu'elle lui avait lancé à travers son bouclier, et sa forte main le brandit à son tour. Mais il se dit « Je ne veux point tuer la belle Vierge. » Et tournant le tranchant du javelot vers son épaule, il le jeta le bois en avant, l'homme fort, avec tant de violence qu'elle se prit à chanceler. Le feu jaillit de la cotte d'armes comme si le vent l'eût attisé. Le fils de Siegmund avait lancé la pique avec tant de vigueur qu'elle ne put, malgré sa force, en soutenir le coup. Le roi Gunther n'en eut jamais fait autant. Brunhild la belle se releva aussitôt. « Noble guerrier Gunther, merci de ce coup, » dit-elle. Elle croyait qu'il l'avait vaincue par sa propre force, mais non, c'était un homme plus fort qui l'avait abattue. Alors elle s'avança transportée de fureur. Elle leva haut la pierre, cette noble vierge, et la lança avec vigueur bien loin d'elle. Puis elle bondit après la pierre, et son armure en retentit fortement. La pierre était tombée à 12 brasses de distance. D'un bond, elle avait dépassé le jet, la femme au beau corps. Siegfried le rapide alla vers l'endroit où se trouvait la pierre. Gunther la souleva, mais ce fut Siegfried qui la lança. Il était brave, fort et grand. Il lança la pierre plus loin et bondit aussi plus loin. Par ses artifices, il avait assez de force pour enlever avec lui, en sautant, le roi Gunther. Le saut était accompli. La pierre était là, couchée à terre, et l'on n'avait vu personne d'autre que le guerrier Gunther. Brunhild la belle devint rouge de colère. Siegfried avait sauvé Gunther de la mort. Quand elle vit le héros à l'autre extrémité du cercle, hors de danger, elle dit à demi-voix à ceux de sa suite « Approchez vite, vous, mes parents et mes hommes, vous allez devoir vous soumettre tous au roi Gunther. » Alors ces braves déposèrent leurs armes. Maint homme hardi se mit au pied de Gunther, le puissant roi du pays des Burgondes. Il croyait qu'il avait jouté avec ses seules forces. Il les salua gracieusement, car il avait beaucoup de qualités. La Vierge, digne de louange, le prit par la main et lui accorda tout pouvoir sur sa terre. Les guerriers vaillants et impétueux s'en réjouirent. Elle pria le noble chevalier de se rendre avec elle dans son palais magnifique. Là, on servit mieux les guerriers. La colère de Dankwart et de Hagen s'apaisa. Siegfried le Rapide était prudent. Il se hâta de reporter sa Tarnkappe. Puis il revint là où maintes femmes étaient assises, et lui et les autres guerriers oublièrent leurs soucis. « Qu'attendez-vous, seigneur? Quand commencerez-vous les jeux que la reine vous propose en si grand nombre? Faites-nous voir comment vous les accomplirez. » L'homme rusé feignait ainsi de n'avoir rien vu. La reine parla. « Comment se fait-il, seigneur Siegfried, que vous n'ayez point vu les jeux qu'a accomplis la main de Gunther ?» Hagen du pays des Burgondes lui répondit. « Tandis que vous étonniez notre courage, et au moment où le chef du Rhin l'emportait sur vous dans la joute, Siegfried, le brave héros, était près du vaisseau. De là vient qu'il ne sait rien. » Ainsi parla l'homme de Gunther. « C'est pour moi une bonne nouvelle, dit Siegfried, la bonne épée, que notre voyage réussisse si bien et que vous ayez trouvé votre vainqueur. Et maintenant, noble vierge, vous allez nous suivre au bord du Rhin. » Alors la belle femme parla. « Cela ne peut se faire ainsi. Mes hommes et mes parents doivent d'abord être appelés. Je ne puis quitter si légèrement mon pays. Il faut avant tout que je prévienne mes meilleurs amis. » Elle fit chevaucher des messagers de tous côtés. Ils avertirent ses amis, ses parents et ses hommes. Elle les priait de se rendre à Eisenstein sans retard, et elle leur fit donner à tous des habits riches et magnifiques. Ils chevauchaient par troupes vers le bourg de Brunhild le jour entier, du matin au soir. « Oh, qu'avons-nous fait ? » dit Hagen. « Nous faisons mal d'attendre ici les hommes de la belle Brunhild. S'ils viennent ici en force, les desseins de la reine nous sont inconnus. Alors sa colère n'a qu'à lui revenir, et nous sommes perdus. Oui, cette noble vierge est née pour nous causer de grands soucis. » Le fort Siegfried parla. « Je ne le souffrirai point, et ce que vous craignez n'arrivera pas. J'amènerai à votre secours dans ce pays des guerriers d'élite qui vous sont inconnus. Vous ne demanderez pas après moi, je voguerai loin d'ici. Que Dieu, pendant ce temps, garde votre honneur. Je reviendrai bientôt et je vous amènerai 1000 hommes des meilleures épées que j'ai jamais connues. » « Ne restez point trop longtemps, dit le roi, car c'est à bon droit que nous nous réjouissons de votre aide. » Il répondit, « Je serai de retour en très peu de jours. Vous direz à la reine que vous m'avez envoyé en mission. »